pictures. Yeah, come on. No. You are. We're lost in Europe. E noi siamo noi che veniamo a raccontare questa storia. We are not going back. Le togliete dai coglioni! Ci troviamo a 150 metri dal confine con la Francia. Noi siamo matti, siamo tutti matti, io non lo so. Ma probabilmente lo sgombro entro oggi sarà effettuato. Voi lo state fomentando il sistema, punto. Roma, mi senti? Roma? We are ready to die again. No problem. Bonjour, on est le lundi 22 août 2016 en direct sur Radio Galère. On va passer une heure en compagnie de Léna et Daniel pour faire une heure d'information sur la situation actuelle à Vintimille. Donc Vintimille, c'est la frontière entre la France et l'Italie. On sait qu'elle est bloquée depuis plus d'un an pour le passage des migrants et migrantes. Ça fait aussi un an qu'on suit toutes les luttes qui s'organisent contre cette politique de fermeture de la frontière, qu'on suit les résistances qui ont lieu sur place et tout autour, et puis la répression qu'elles subissent. En ce moment, pour nous, il nous semblait important de faire un point, parce que début août, il y a eu un appel à faire un camp de résistance à Vintimille, donc c'était du 5 au 10 août. Donc on va faire un petit peu un point là-dessus, voir comment ça s'est passé, et puis quelle est un peu l'actualité, l'évolution de la situation. On voit aussi que dans les médias français, c'est très difficile en fait d'avoir de l'information sur ce qui se passe à Vintimille. Donc là, on est en compagnie de Léna et Daniel, qui étaient tous les deux à ce camp de résistance à Vintimille. Et dans cette émission, on va donc déjà un petit peu réexpliquer le contexte de ce qui se passe à Vintimille et de la lutte. On va aussi parler de la répression des migrants et l'évolution de la situation pour les migrants et les migrantes. On va parler de la criminalisation de la solidarité. Et puis par téléphone, on aura une interview d'une habitante de la vallée de la Roya, dans les environs de Vintimille, pour avoir plus d'infos sur comment ça se passe, qu'est-ce que ça implique dans ces régions frontalières, en fait, cette fermeture de la frontière, et comment les habitants et les habitantes s'organisent pour mettre en place des réseaux de solidarité avec les migrants et les migrantes. Alors, en début d'émission, vous avez entendu du son. C'était en fait le son du teaser d'un documentaire qui s'appelle « Show All Teas to the World », un documentaire d'Andrea De Aglio et qui retrace en fait la journée du 15 juin 2015, journée où la frontière a été fermée côté français entre l'Italie et la France, et où du coup les migrants et les migrantes se sont retrouvés bloqués là et ont commencé à protester et à installer un camp. Donc ça, c'était il y a un an, et entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Daniel, est-ce que tu peux reprendre un petit peu le contexte là de la situation à Vintimille? Bonjour à tous et à toutes. Et malheureusement, on se retrouve en plein mois d'août 2016 à parler encore des fermetures des frontières, des répressions des migrants. On aurait comme l'impression que rien n'a changé depuis un an du côté de la répression à la frontière italo-française. Et depuis un an, la frontière, elle est contrôlée, hyper-militarisée de la part des autorités italiennes d'un côté et françaises de l'autre côté. Il y a une criminalisation de toute forme de solidarité de la part des solidaires qui vient et du côté italien et du côté français. Et les migrants, même en ville, ils se retrouvent comme l'année dernière à être chassés en ville par les autorités, par des gens du lieu, des racistes du lieu, qui craignent un peu la présence des migrants parce que, à leur avis, un dommage la réputation de Vintimille comme localité de vacances ou localité de commerce. Face à cette posture raciste, il y a pas mal de soutien et du côté des habitants de Ventimiglia. Et du côté, cette année aussi, la solidarité s'est éparpillée en plus dans plein de petites communes autour de Ventimiglia. Ça, c'est les bons côtés de la mobilisation de cette année. Mais d'abord, il faut faire un point sur ce qui s'est passé l'année dernière, en fait. L'année dernière, on rappelle les mois des familles début juin. La frontière italo-française s'est fermée avec une présence policière énorme suite au passage des migrants qui ont revendiqué libre accès à la France. Au lieu de faire les demi-tours et retourner en Italie, ils ont commencé à proposer des revendications. Et du coup, pas mal de solidaires, ils ont entendu ces revendications, ils sont accourus en nombre. Il y avait des personnes solidaires, mais il n'y avait pas un mouvement déjà existant à Ventimiglia. Mais dès que les migrants, ils ont décidé de camper là-bas pour revendiquer des droits, les droits de passer et d'avoir une dignité tant qu'immigrant, ben, plein de gens ils sont accourus d'abord pour porter un soutien concret. Du coup, la première chose, une cuisine ambulante qui s'est installée à Ventimiglia pour leur assurer l'accès à l'eau, à la bouffe, au fur et à mesure. Il y a eu des assemblées, des réunions et il y a eu des revendications toujours plus complète et organisée, une organisation arrangée avec les soutiens, mais qui partait directement des mouvements des migrants. Et pour tout l'été, en fait, Ventimiglia a été l'un de ce qui a été appelé ensuite les free spots, du coup, un lieu de libre expression pour les migrants, libre revendication, et un lieu sécurisé pour les migrants, c'est-à-dire un lieu sûr. Ce lieu n'a plus été sûr à la fin de l'été parce qu'ils ont été expulsés violemment. Mais à Ventimiglia, ça s'est produit en quelque chose qui est remarquable, en fait, parce que c'est devenu un lieu d'attention médiatique sur une problématique que et l'État italien et l'État français voulaient faire passer en silence, c'est-à-dire les problèmes des migrants, les passages de la frontière, qu'on parle des fermetures des frontières, mais la frontière, en fait, elle n'a jamais été, en réalité, elle n'a jamais fermée, parce qu'on peut parler aussi de la problématique des porosités de la frontière, c'est-à-dire les passages de certains migrants qui doivent faire partie de la main-d'œuvre au noir en France, mais qui ne peut pas être un passage trop massif, parce que sinon il y a des revendications qui dérangent en fait l'ordre établi des choses et du marché libéral ou capitaliste, on peut l'appeler comme on veut. Ça a cassé un peu ces silences de la frontière et ça a attiré tout le monde et les médias italiens et les français sur ces problèmes-là. Cette année, il y a un peu plus de silence par rapport à l'année dernière. On peut remarquer un peu d'invisibilité du côté français de cette revendication. Du côté italien, il y a un peu plus de visibilité, mais je dirais aussi l'image qui passe n'est pas une image forcément positive. Du coup, il y a une médiatisation de les diables no border qui n'est pas vu comme solidaire, mais vu comme émotif plutôt. L'année dernière, en fait, ça a produit pas mal de choses, de solidarité contre la police qui voulait arrêter ça, contre la commune de Ventimiglia qui a essayé de faire des arrêtés municipaux assez bizarres, comme l'arrêté municipal qui interdisait, par exemple, de donner la bouffe aux migrants. Heureusement, les camarades et les migrants, ils ont répondu à ça en organisant une bouffe populaire qui partait de Ventimiglia jusqu'à Menton. Voilà, la réponse publique à des arrêtés municipaux, des interdictions assez bizarres, normalement, c'est une réponse publique. Il ne faut pas avoir peur de pratiquer l'illégalité diffusée si on estime que la loi, elle n'est pas juste. Du côté institutionnel, on a parlé de la répression de la police, on a parlé des actions de la commune de Ventimiglia. Il faut aussi dire deux mots sur les comportements de la Croix-Rouge, qui était le campement officiel. La Croix-Rouge, elle assurait deux repas et un point d'abri pour tout le monde. À condition de quoi? À condition d'un fichage complet des gens. Les migrants qui étaient accueillis dans le campement de la Croix-Rouge, ils ne pouvaient pas sortir de 22h du soir jusqu'à 8h du matin. Ils étaient fichés avec un numéro, même pas un nom. Les informations par rapport au mouvement des migrants étaient passées directement à la police. Du coup, s'il y avait un migrant qui traînait, par exemple, avec des Européens, la police était tout de suite informée. Et aussi, il me semble qu'il y avait cet conditionnement pour rester dans le camp de la Croix-Rouge, d'avoir donné ses empreintes digitales. Voilà. Et c'était bien ça. Souvent, ils n'étaient même pas informés, en fait. Ils n'étaient pas informés de quels étaient leurs droits au moment de laisser leurs empreintes, les conséquences du fait de laisser les empreintes. Pour expliquer juste un petit point sur cette histoire d'empreintes, c'est que en fait, depuis les accords Dublin 2, 3, les demandeurs d'asile sont obligés de demander l'asile dans le pays où ils sont rentrés, donc là où il y a leurs empreintes, et ils ne peuvent pas choisir d'aller dans un pays de leur choix parce qu'ils ont de la famille, parce qu'ils ont de la ressource. Et du coup, c'est un gros enjeu, cette histoire d'empreintes, puisque ça empêche de demander l'asile dans un autre pays. Ce qui s'est passé au cours de l'année, donc, entre l'expulsion du camp informel dei Balzi Rossi, qu'on appelle comme ça parce que les gens, en fait, elles s'étaient arrêtées. Elles s'étaient arrêtées directement sous les rochers. Et ensuite, le camp, il avait été monté dans la petite Pinède, à quelques centaines de mètres de la frontière. Après l'expulsion de ces camps-là, les gens ont continué à se poser où elles pouvaient et à être dégagés. Jusqu'à ce printemps, après plusieurs expulsions de lieux différents, fermés ou en plein air, une église avait été, et les terrains autour de l'église avaient été investis par quelques centaines d'immigrants. Là, à l'époque, donc, on parle de juin-juillet encore. C'était des familles, c'était des jeunes, c'était des femmes, c'était des hommes. Certains à l'intérieur du terrain de l'église, d'autres dans le parking juste en face. Et là, c'était aussi l'église elle-même, plutôt que la Caritas qui s'occupait de ça, et avec une intervention régulière quand même de la Croix-Rouge. Ensuite, cette église même, elle a été réexpulsée, pas tellement par rapport aux familles qui sont encore hébergées là-bas, aux jeunes et aux femmes, mais par rapport à tous les autres, c'est-à-dire tous ceux qui sont identifiés comme des hommes noirs, tous ceux qui sont identifiés comme en danger. Par rapport à toutes ces personnes-là, la solution, elle a été radicale. Il y a ce campement qui a été mis en place en dehors donc de la ville, puisque l'église, elle était juste à côté du centre-ville. Cet autre camp, en fait, il est carrément en dehors, bien loin, pas visible, bien contrôlé, avec des camionnettes à l'extérieur, et aucune autre association, sauf la Croix-Rouge, qui peut y avoir accès, pour éviter d'avoir effectivement d'autres genres d'actions, d'autres genres de dialogues, surtout, et de solidarité avec les gens qui sont à l'intérieur. Depuis déjà quelques mois, par rapport à toutes ces personnes qui sont considérées indésirables dans l'enceinte de la ville de Ventimiglia, qui sont considérées en trop, puisque à un moment donné, le chef de police même, en parlant de ça, il a déclaré qu'il y avait trop de monde, même dans les camps de la Croix-Rouge. Et la réaction a été, pareil, également claire et nette, des rafles dans la rue, des chasses à l'homme, des gens qui venaient prises, ramenés sous des bus, et renvoyer ailleurs, surtout pour la mairie de Ventimiglia, n'importe où ailleurs, sauf qu'ici. Là, ce qui s'est réalisé dans les rues de la ville, c'était des poursuites, des charges contre des gens qui couraient partout en essayant de trouver des lieux de répit. Tous les gens qui sont considérés sur un terrain pas, à laquelle ils ne doivent pas avoir accès, c'est-à-dire les trottoirs de la ville, ils se font récupérer à la frontière aussi, suite aux diverses tentatives de passage qui continuent à avoir lieu. Ils se font charger sur des bus qui sont soit directement ramenés dans le sud de l'Italie, dans ces hotspots, soit directement chargés sur des avions de la poste, voilà, donnés pour l'occasion, et ramenés, si ce n'est pas dans le sud du pays, où quand même tu as la possibilité de arriver à reprendre un train et donc remonter les pays jusqu'à retourner à Ventimiglia, parce que c'est évident que toutes les personnes qui passent par là, qui se font rafler, ne perdent pas son élan et son espoir par ça. Et ils vont continuer, ils vont se retrouver dans le même lieu. Maintenant, la réflexion qui se sont faites, c'est on peut penser aux îles, on peut penser à la Sardaigne. C'est plus difficile d'arriver à continuer son propre chemin quand on est isolé, littéralement. On va écouter un peu de son pour se rendre compte un peu de l'ambiance. C'est une des vidéos des arrestations qui ont eu lieu là en août. Et est-ce que tu peux expliquer aussi, tu as parlé des hotspots, tu peux expliquer ce que c'est, en gros? Et en fait, cette politique des hotspots, elle a été accordée dans tous les États de l'Union européenne. En fait, il s'agit de la distribution des migrants dans des camps de réfugiés. institutionnelle. Donc, l'année dernière, c'était parti la répression des migrants par une redistribution assez casuelle des migrants, les ramener en arrière de plusieurs centaines de kilomètres dans leur voyage pour les démotiver à continuer leur voyage. Ça passait aussi par l'humiliation, ça passait aussi par la division des groupes qui étaient déjà constitués. Par la violence aussi, parce qu'il y a plusieurs exemples de gens qui se sont retrouvés avec les doigts cassés pour avoir été forcés contre leur gré de donner les empreintes dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, et du coup, les hotspots, en fait, c'est l'application de cette politique de redistribution d'un point sensible, comme on peut voir à Ventimiglia en Italie, mais en France, c'est la même chose qui se passait à Calais. Du coup, la redistribution des migrants qui étaient dans la jungle de Calais, eh bien, ils ont été un peu redistribués de partout avec naturellement des fausses promesses comme quoi s'ils acceptaient la redistribution, la relocation dans des hotspots ou centres de répit ou centres d'accueil, ils auraient été facilités au niveau de la demande d'asile, chose qui n'est pas absolument vrai. Et du coup, ils ont été un peu redistribués dans tous les restes du pays, et en Italie, surtout dans les sud d'Italie, pour un temps déterminé, en fait. On peut les appeler prisons à ciel ouvert. Cette politique, en fait, ça a payé, parce que si à Calais, la Russie a dégagé pas mal de gens de la jungle, à Ventimiglia aussi, l'expulsion forcée de pas mal, des centaines et des centaines, là on parle des centaines de personnes par jour dans les îles, comme la Sardaigne. Ce qui s'est passé au début, c'était la moyenne d'un policier par un migrant sur des bus qui contenaient à peu près 50 personnes. Et donc deux bus, ça signifie entre 50 et 100 personnes. Déficienti! Cazzo, siete... Di là! Di là! Bastardi! Andate a fare il culo, andate! Vedete via di lì, forza! Oh! Via di lì, eh! E veloce, quickly! Quickly! Passa il culo, vieni su! Tiralo su, vieni qua! Veloce! Vieni qua, vieni qua! Pezzi di merda! Dai, qua, qua, dai, forza! Va, aspetta, alla folla, che fa? Vale! Aspetta la porta! Ora! Matravi, vieni qua! Vieni qua! Oh. Comando io, non te! Qui siamo a casa mia! Vieni qua! Allora, cosa c'è? Niente, sono un giornalista, sto riprendendo. Per favore, te ne puoi andare. Perché? Qual è il problema? La voix qu'on entend, c'est celle d'un Baku, un chef de police, qui naturellement, de façon violente et arrogante et raciste, il insulte des migrants qui étaient réfugiés sous les rochers des Ventimiglia, parce qu'il savait justement que la police ne peut pas intervenir lorsque les migrants sont sous les rochers au bord de la mer, parce que l'action des flics ne peut pas mettre en danger la vie des gens. Du coup, les migrants s'étaient réfugiés sous les rochers, et ces bagueux, de façon hyper violente, il essaie d'abord d'éloigner les solidaires, en plus d'éloigner les mecs qui filmaient, et après d'obliger les migrants à se rendre. Cet extrait-là, il s'agit d'un épisode, l'un des plusieurs et nombreux épisodes de renvoi des migrants et de la partie française de la frontière jusqu'à la partie italienne. C'est quelque chose qui continue encore maintenant à arriver tous les jours pour ce qui concerne le passage en train, en fait. C'est quelque chose d'assez particulier, la gare de Ventimiglia. C'est un lieu qui est quand même hyper militarisé, pas seulement au niveau de police nationale, mais même au niveau d'armée, carrément. Les chasseurs alpins, on les appelle comme ça en français, qui gardent la gare, où il y a régulièrement des rafles qui se font. Et il y a aussi des moments de sorte de pause dans la tempête où les gens, effectivement, ont accès au quai. Et elles arrivent quand même à monter sur les trains. Et ce qui se passe régulièrement, c'est que ce train, ils sont bloqués à Menton, Garavan. Les policiers français, donc, dans ces cas, montent sur les trains et font sortir tous les gens qui sont trouvés, qui sont migrants. Ce qui n'épargne même pas les mineurs, qui sont plusieurs, qui se retrouvent pour l'instant bloqués à Ventimiglia. Les adultes qui sont retrouvés, ils sont normalement contrôlés, pris les noms, renvoyés au bus. Les mineurs, qui par loi devraient être quand même pris en charge dès qu'ils arrivent sur le territoire français, ils les font passer de l'autre côté des rails et ils les font remonter sur le premier train qui retourne en Italie. On peut souligner aussi, parce que du côté français et de la collaboration de la SNCF à ce processus, ça passe un peu comme une lettre à la poste, le fait que les horaires de train, ils sont aménagés pour qu'il y ait ces contrôles incessants quand même. Les voyages pour les migrants sur les territoires italiens et les territoires français, c'est de plus en plus compliqué parce que justement les institutions, ils reçoivent la collaboration des autorités, enfin des institutions des transports par exemple, et moi, ce que je trouve dégoûtant aussi, les appels à la délation publique de la part des institutions. Ils demandent dans chaque commune, surtout les plus sensibles, comme à Calais, par exemple. La maire de Calais l'appelait à la délation publique, tous les habitants de Calais. On appelle aussi à une méfiance envers des gens juste parce qu'ils ont une gueule de noirs ou d'arabes, à différencier les gens par rapport à leur provenance, par rapport à Ventimiglia, par exemple. Moi, tant qu'Italien, je me suis baladé tout le temps sans souci. Et un touriste, il arrive à Ventimiglia et il peut avoir l'impression que tout est parfait, que tout est propre. Tout est propre, il n'y a pas de répression. Alors que pour une personne juste à cause de sa provenance, de la colère de sa peau, la vie, elle peut être infernale. Et c'est quelque chose, je crois, qui a commencé à se faire sentir sous la longueur d'un an, en fait. Cette sorte de travail petit et quotidien, d'éloignement entre migrants et population. Pas seulement au niveau physique, avec cette tentative de les éloigner du centre-ville, mais aussi à niveau de mentalité, en fait. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce qu'il y a trop d'immigrants dans la ville. Mmh. Et c'est quelque chose qu'on a vu justement tout au long de l'année. Les solidaires qui sont restés après la fin du camp de l'année passée, les solidaires qui ont choisi de rester sur le territoire, s'ils étaient là, ils pourraient très bien témoigner de comme c'est un travail à l'épuisement, même pour eux. Parce que c'est vrai que d'un côté, simple touriste qui arrive à Ventimiglia, pour toi tout ira bien. Mais personne qui arrive à la gare avec un gros sac, avec l'air un peu jeune et pas trop bien tenu, tout est fait contrôler tout de suite parce que t'as l'air un peu trop en no border pour être dans cette ville. On va faire une petite pause parce qu'en fait aussi ce qui s'est passé depuis l'année dernière, c'est l'état d'urgence et aussi quelles conséquences ça a sur la militarisation accrue de cette frontière. On va faire une petite pause musicale de circonstance avec une chanson qui s'appelle Perquise comme jamais de Sami Amara. Perquise comme jamais, jamais, jamais, jamais. Perquise comme jamais, jamais. On casse ta porte, y'a la Gestapo. Moi et mes potes, on fait les Rambo. Les attentes, ça, on fait fou sur le dos. On fait ce qu'on veut, on est des G.I. Joe. Et ouais, mon pote, on soulève tes fesses. Car il paraît que t'as une fiche S. Et BFM en fera des caisses. Chalkoumi en attaché stress. Oh les mains, oh les mains. On s'en bat les reins, bat les reins, bat les reins. On braque ici même pour rien. Oh les mains, oh les mains. On braque, on s'en bat les reins, bat les reins, bat les reins. On braque ici même pour rien. On passe après minuit. On écourte tes nuits. Tu vis dans une nation qui a perdu toute sa raison. Donc t'es suspect de tout. De toute façon, on marche sur les traces de l'inquisition. Perquise comme jamais, perquise comme jamais, perquise comme jamais, perquise comme jamais. C'est l'état d'urgence, c'est l'état d'urgence. Crions, vive la France, crions, vive la France. Bonjour, police nationale, contrôle d'identité s'il vous plaît. Pas de problème, monsieur l'agent, voilà mes papiers. Bon, par contre, si on peut faire assez vite, parce que là, je vais au boulot et je vais être en retard. Ah ben, il a dit à la gloire. Il a dit à la gloire, nous on tire, hein. Ah ouais, nous, on a plus le temps, hein. Et puis on va voir ce qu'il y a à la maison. On passe après minuit. On écourte tes nuits. Tu vis dans une nation qui a perdu toute sa raison. Donc t'es suspect de tout. De toute façon, on marche sur les traces de l'inquisition. Perquise comme jamais, perquise comme jamais, perquise comme jamais. jamais. C'est l'état d'urgence, c'est l'état d'urgence. Crions, vive la France, crions, vive la France. Pour Paris et Marseille, Berguise. Pour Lille et Montauban, Berguise. Montpellier, Créteil, Berguise. Belfort, Perpignan, Berguise. De Nice à Saint-Malo, Berguise. En passant par Villiers, Berguise. Eh ouais mon coco, Berguise. Vive l'état policier. Berguise comme jamais, jamais. Berguise comme jamais, jamais. Berguise comme jamais, jamais. Berguise comme jamais, jamais. C'est l'état d'urgence, c'est l'état d'urgence. Crions, vive la France, crions, vive la France. Quelle belle chanson pour introduire un sujet comme l'état d'urgence et la répression des solidaires, en fait. Parce que, voilà, la chanson, elle parlait des perquises et elle parlait des répressions. Et là, c'est de ça qu'on va parler, parce qu'on a parlé de la répression subie par les migrants. D'un autre côté aussi, il y a des solidaires, du coup, du côté des Européens. En ayant des papiers et tout ça, mais qui sont chassés du territoire de Ventimiglia. La répression des institutions, des flics, et sont différentes. Ça passe par la violence physique, évidemment. Des arrestations, des interdictions de territoire, interdictions de communes, des procès. Et ça passe aussi par un montage médiatique, du coup la construction de l'image du no border qui va passer ses vacances d'été à Ventimiglia juste pour faire des émeutes et casser je sais pas quoi. Parce qu'à Ventimiglia, parce qu'il ne peut même pas rentrer à Ventimiglia. Voilà, il n'y a rien à casser à Ventimiglia. Du coup, il y a toute cette image qui s'est construite de l'émotier no border qui va faire du bordel à Ventimiglia et qui empêche, ça c'est les mots aussi utilisés par les flics, qui empêche les migrants une permanence tranquille à Ventimiglia. Alors que la plupart des solidaires qui vont là-bas, c'est juste pour exercer une vigilance et un monitorage de la situation, parce que les migrants eux-mêmes, ils disent s'y sentir en danger s'il n'y a pas un contrôle externe, qui est l'action des flics et de la Croix-Rouge, en fait. Les actions qui ont été menées par les solidaires. Au tout début, c'était des choses très simples, en fait, comme amener à boire, à manger, même juste parler avec les gens, en fait, pour savoir quelle était leur situation. Et au fur et à mesure que les temps passaient, quand les migrants ont essayé, quand les migrants, toutes les personnes qui sont bloquées là-bas, ont essayé de rendre visible leur situation, donc de manifester en direction de la frontière ou même dans des sit-ins, toutes les personnes présentes en solidarité, ont commencé à fur et à mesure à être arrêtées, contrôlées et à recevoir ce qui est désormais une habitude sur le territoire de Ventimiglia, c'est-à-dire il foglio di via, une interdiction de territoire. Et cette médiatisation de la figure des no borders a mené à des situations assez absurdes. Du coup, il y a des camarades qui ont reçu des interdictions du territoire italien. Pour avoir marché vers la manifestation, même pas pour l'avoir rejoint. Il y en a qui ont reçu des interdictions du territoire italien en ayant été arrêtés à Nice, habillés avec des fringues, évidemment pas des touristes, parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir aidé les migrants dans leur passage. Du coup, désormais, il n'y a plus besoin de preuves pour une interdiction, il n'y a plus besoin d'un constat sur place des culpabilités, il y a juste une envie des flics d'éloigner toute personne qui peut déranger. Tout ça, ça fait partie d'une action assez précise, c'est-à-dire que quand tu veux faire quelque chose et il y a des témoins dans ce que tu es en train de faire, il y a des gens qui ont une voix contraire et qui la montent. Il n'y a rien de mieux à faire que les décrédibiliser. Commencer à dire que les gens qui étaient en train de rejoindre Ventimiglia pour une manifestation en faveur de l'ouverture des frontières, et c'était en réalité ce qu'ici en France on appellerait des casseurs, des gens qui armés des couteaux, des chaînes, des armes de guérilla, alors que les images qui régulièrement ont été prises pour pouvoir témoigner de cette grosse dangerosité, montrer des chaînes de voitures pour les roues, montrer des couteaux suisses et montrer des râteaux et des pelles. Et ce ne serait pas si dramatique, sinon pour le fait que c'est toujours joué pour éviter d'avoir des voix contraires qui font un peu les points de la situation par rapport à cette permanence tranquille des migrants à la frontière de Ventimiglia. On attend un appel, on va voir si ça marche. Allô, est-ce que tu nous entends ? Oui. Ah, super, nous aussi, on t'entend. Du coup, bonjour, merci d'avoir appelé. Toi, tu appelles, tu es une habitante de la vallée de la Roya. Oui, c'est ça. Et qui peut un peu raconter comment ça se passe, un peu justement l'organisation de cette solidarité. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu, pour les auditeurs, auditrices, nous situer un petit peu qu'est-ce que c'est la vallée de la Roya, c'est quoi un peu la problématique d'un espace comme ça, frontalier ? C'est une vallée vraiment particulière, effectivement, parce qu'elle est frontalière. Et c'est une vallée de montagne, en fait, c'est une très ancienne voie de passage située, la vallée la plus au sud, en fait, la voie de passage la plus au sud du massif des Alpes, et qui a connu énormément de vicissitudes, évidemment, entre Ponté de Savoie, Italie, France, etc. À tel point que les deux villages, les deux communes la plus au nord de la vallée, qui sont Tende et La Brigue, sont devenus français en 1947. C'est donc les territoires qui sont devenus français le plus récemment, hein, en France. Donc, voie de passage, voie pour les migrants, bien sûr, depuis très très longtemps. Et puis, évidemment, ça s'est amplifié depuis 2011. Avec les vagues de migration suite à tout ce qu'on connaît, bien sûr. Et en particulier, alors nous avons connu toute la problématique des Tunisiens et il y avait eu une très grande vague de solidarité dans la Roya, puisque pendant 2 mois, des repas solidaires ont été amenés depuis la Roya française, essentiellement confectionnés à Saorge et amenés sur place tous les soirs pendant 2 mois. Il y a quand même plusieurs centaines de Tunisiens, de jeunes Tunisiens qui restaient coincés à Vintimille. Donc là aussi, la solidarité s'est exercée quand même d'une belle manière avec de nombreux Italiens, bien sûr, de Vintimille ou d'un village, d'une vallée parallèle en fait, qui s'appelle Dolcea, quoi. Donc il y a eu cette expérience-là qui a beaucoup marqué les esprits, hein, avec aussi les militants de Nice, enfin, voilà. Et là, je pense que tout le monde sait que la France a fermé ses frontières l'été dernier, en juin dernier. Je pense que tout le monde a ça en tête, hein, on s'en souvient. Des vagues de plus en plus importantes de migrants. Et la France a donc décidé de fermer ses frontières. Les migrants se sont donc retrouvés bloqués à Vintimille et ont décidé de manifester. Courageusement quand même, hein, il faut le dire à chaque fois, vraiment à la frontière, strictement à la frontière, c'est-à-dire en face, exactement en face de Menton, c'est un endroit magnifique, où on a donc vue sur Menton, qui est très beau, et on a un panneau, Menton, perle de la Côte d'Azur, et voilà, ces migrants se sont donc installés là pendant plusieurs mois. Et au début, on a appelé ça le camp des rochers, parce qu'ils étaient strictement sur les rochers du bord de mer, vraiment. Ils ont eu quand même relativement rapidement de nombreux soutiens. Au départ, Croix-Rouge, etc. Puis, en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que la Croix-Rouge italienne a un statut très spécial. La Croix-Rouge italienne, contrairement à ses consoeurs, dépend directement du ministère de l'Intérieur italien. Et collabore en fait avec le ministère de l'Intérieur. Ça, on en a parlé en fait, ouais, effectivement, là, de ce qui s'est passé depuis un an là sur. La solidarité, elle a commencé là, avec les gens de la Roya qui descendaient de manière individuelle en fait, amenaient de la nourriture, qui faisaient des collectes, qui la menaient, etc. Tout ça a duré plusieurs mois, participer à des manifestations, etc., etc. Et c'était très différent de ce qui se passe maintenant, en fait. Ce camp a été évacué, ça, je pense que globalement tout le monde doit le savoir, en septembre. Bon, les vagues de migration se calment, diminuent toujours un peu en saison hivernale, et puis ça commence évidemment parce que la mer le permet, si on peut dire. Toujours ces drames, puis ces tragédies qui se continuent, de naufrages. Printemps, été, et là, c'est quelque chose qui a changé, c'est-à-dire que les gens de la Roya se sont beaucoup, beaucoup plus organisés, ont organisé leur solidarité, alors de différentes manières. Il y a, des gens qui s'organisent en petits groupes, de manière individuelle, mais autour de petits groupes, en fait. Il y a des gens qui s'organisent autour d'une association qui était en sommeil, qui a été réactivée, qui s'appelle Roya Citoyenne, dont les statuts ont été changés et élargis pour pouvoir traiter cette... toute cette problématique, en fait, les statuts sont extrêmement larges et je crois que c'est soutien et aide aux citoyens du monde. Donc, on peut pas faire plus large que ça. Voilà. Alors, il y a différents types d'aides hein, qui se pratiquent. Ça va de de repas qui sont apportés à Vintimille. Alors, c'était deux fois par semaine, trois fois par semaine. Puis récemment, il y a environ deux semaines, le maire de Vintimille a réactivé, puisqu'il l'avait supprimé, hein, il a remis en place une ordonnance qui interdit strictement de donner à manger et de donner à boire aux migrants. Voilà, donc la solidarité est vraiment criminalisée. Donc depuis, ces repas collectifs sont devenus ce qu'on appelle des maraudes. Hein, du coup, c'est une espèce d'horrible jeu de cache-cache entre les gens qui ont cette démarche solidaire et les migrants et la police. Mais vraiment, littéralement. C'est-à-dire, on descend de voiture, on est en général entre 6 et 8, et on se cache, on voit arriver la police, on s'en va un peu plus loin, on cherche les migrants qui eux aussi se cachent. Voilà, j'ai participé à une la semaine dernière et on a été contrôlé trois fois. Des fois, c'était en plus de chance, ils passent au travers. Des copains ont vu des migrants se faire arrêter avec les petits sacs de nourriture. Les sacs ont été confisqués et les migrants arrêtés. Voilà, voilà comment ça se passe en gros. Ensuite, il y a d'autres types de solidarité, évidemment. Une solidarité politique qui se veut politique aussi, de manière officielle, évidemment, avec des lettres au président de la République, pétitions, etc. Bon, participation à des manifs, bien sûr. Essayer de travailler en réseau aussi avec les autres associations solidaires qui se trouvent sur Nice, dans les Alpes-Maritimes, et aussi les associations italiennes, bien sûr. Et puis, il y a ce qui est passible aussi de, qui est entre guillemets criminalisé, pénalisé, si vous voulez, qui est aussi une aide concrète de l'ordre de l'hébergement, l'aide sur place en France, donc l'hébergement, l'accueil, hein, et le passage, l'aide au passage, voilà. Et ça, des individus le font seuls, hein, par eux-mêmes. Voilà, on rencontre des réfugiés dans notre vallée qui marchent. Ils marchent depuis un jour, deux jours. Ils sont épuisés, affamés, traqués. Il y a des personnes pour qui c'est insupportable. Et sans être relié forcément à ni un parti politique, ni une association, d'eux-mêmes, ils prennent cette personne ou ces personnes en charge chez eux, les aident à passer parfois. Enfin, les gens font ce qu'ils peuvent, en fait, évidemment. Et souvent, ça se fait aussi de manière plus organisée parce que c'est très difficile de faire seul. Et du coup, il se passe des choses intéressantes. Enfin, des gens qui se rencontrent autour de toute cette problématique, ça entraîne d'autres solidarités. C'est une situation très compliquée de toute façon, qui ne fait que fluctuer, qui est extrêmement changeante. Tous les jours, il se passe quelque chose de nouveau. Tous les jours, des politiques ont une déclaration ou un geste répressif, où la police, il nous vient une information comme quoi la police a interpellé d'une façon particulièrement brutale, ou alors ces déportations, et moi je tiens à employer ce mot-là, forcées, parce qu'à partir du moment où on se saisit de personnes et on les réunit en groupe dans un bus contre leur gré, pour les envoyer dans un endroit contre leur gré, c'est-à-dire en l'occurrence dans différents camps en Italie du Sud, ça s'appelle les camps de rétention et donc ça s'appelle déportation. de personnes que ça choque qu'on emploie ces mots-là. Je pense qu'il faut employer des mots qui ont ce vrai sens de déportation et de dire aussi que dans cette zone où nous vivons, donc la zone frontalière, une zone officiellement, la zone qui est comprise de 20 km de part et d'autre autour de la frontière, c'est une zone tout à fait particulière. C'est une zone un peu, visiblement, de plus en plus de non-droits. Les gens peuvent être pris et ramenés de l'autre côté de la frontière. Normalement, il est obligatoire que la police leur fasse des OQTF, obligation de quitter le territoire. Ils ne le font pas. De même, il y a de nombreux témoignages. On sait très bien qu'ils renvoient les mineurs isolés qui arrivent à la frontière. Ils les renvoient. Or, les mineurs, une fois qu'ils sont en France, doivent être protégés. En charge, ouais. Voilà. On sait que c'est absolument pas le cas, ils les renvoient. Voilà, la solidarité encore, c'est un champ extrêmement vaste et complexe. Là aussi, la situation est si complexe, la solidarité aussi est complexe. Il y a différents mouvements. Bon, on parle beaucoup du mouvement No Border. Mm-hmm. C'est un réseau. Bien évidemment, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une association déclarée. Alors, se déclare No Border qui veut. Et ils sont bien embêtés eux-mêmes, je pense, de plus en plus, moi c'est ce que j'entends, de cette étiquette qui est bien lourde à porter et qui en fait est très largement utilisée tant par les politiques, les politiciens, j'ai envie de dire, la police, les médias officiels, comme bouc émissaire, tout simplement. C'est tellement facile. Le maire de Vintimille a déclaré récemment que Vintimille était prise en otage par les no-borders. C'était les no-borders le problème. La France est en train de relayer totalement ce message. Le préfet des Alpes-Maritimes a fait une déclaration dans ce sens il y a peu de temps. Une élue de la vallée de la Roya, qui est conseillère régionale, Modem, mais élue sur la liste des Républicains, donc de M. Estrosi, bien sûr, vient d'avoir une démarche très particulière. Elle vient, il y a quelques jours, d'écrire un courrier au préfet, lui demandant un renforcement des contrôles, disant qu'il n'y a pas assez de police. Voilà. Et elle parle, elle s'exprime, cette dame, au nom des habitants de la Roya. Donc, bien évidemment, nous allons lui répondre publiquement. L'association Roya Citoyenne est en train de lui répondre, en train de s'adresser au maire, en train d'écrire un courrier au journaliste Matin, bien sûr, qui a largement relayé ses propos et sa demande. Parce qu'en aucun cas, elle ne peut prétendre s'exprimer au nom des habitants et de tous les habitants de la Roya. C'est totalement faux. Il y a vraiment... Voilà, bien évidemment qu'il y a des gens qui essayent de regarder ailleurs et de continuer leur vie normale, voilà, ils regardent ailleurs. Bon, il y a des gens comme nous qui font ce qu'ils peuvent, chacun à sa manière. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi un clivage qu'on sent monter dans la population, comme un peu partout certainement, mais là, c'est beaucoup plus prégnant, plus inquiétant aussi. Voilà, depuis quelques semaines... Depuis quelques jours, ça s'est largement aggravé. La vallée voit des tags, des bombages fleurir du type non à l'invasion, la vallée française, etc. Voilà, ça dit bien ce que ça veut dire. Souvent des Bray-sur-Roya, des autocollants de fascistes, des croix gammées. Voilà, il y a tout ça. Il y a des choses très graves qui se passent. Des amis, des compagnons qui ont été menacés chez eux. Ils habitent dans un endroit isolé de montagne. Ils ont été menacés par trois individus musclés qui leur ont dit que maintenant, la chasse aux migrants était ouverte. Voilà l'ambiance. Comment ça se passe aussi? Parce que dans cette vallée, il y avait aussi des luttes en cours. Par rapport à une autre question qui concerne aussi le fait d'être une frontière, c'était la construction du tunnel. Est-ce qu'il y a des liens entre le mouvement de lutte contre le tunnel et la solidarité des migrants, ou est-ce que c'est des mouvements séparés? Comment ça s'articule? Bon, la situation là aussi est très, très complexe. Il y a maintenant plusieurs associations dans la Roya. Donc c'est vrai que même les gens qui habitent dans la Roya ont parfois du mal à s'y retrouver. Il y a à la fois depuis plusieurs années une lutte pour sauver et développer la ligne de train qui agit main dans la main, qui essaye d'agir le plus possible avec des militants italiens des deux côtés de la frontière, puisque la vallée de la Roya française est vraiment enclavée, hein, vraiment enclavée en Italie, puisque au nord, on a la frontière avec le Piémont italien, au niveau du col de Tende, et au sud, la frontière est en dessous de Breuil-sur-Roya, dans la vallée, et c'est la Ligurie, donc une de Ventimiglia, puis la côte, Imperia, San Remo, etc. Voilà, et la ligne de train est menacée, c'est une ligne donc transfrontalière, hein. On l'appelait la ligne Nice-Turin. Cette ligne est très menacée depuis 2011 et depuis 2013, une association dans la vallée qui s'est créée suite à une manifestation avec un comité italien de Cuneo. Parallèlement à ça, il y a toute la problématique du tunnel routier transfrontalier, hein, puisqu'à chaque fois c'est une problématique transfrontalière. Où là, bien sûr, les fonds ont été trouvés par les deux États, par le conseil régional, le conseil départemental, etc., sur un projet de doublement de tunnel routier. C'est-à-dire, là, actuellement, effectivement, on a le tunnel routier le plus vieux d'Europe, qui a largement besoin d'être rénové, qui est dangereux en l'état. Il y avait au moins deux possibilités autres que le projet qui est mis en place actuellement. Alors, il y a eu effectivement des groupes de militants qui ont réalisé ce qu'on appelait une convergence des luttes. Hein, je ne sais plus la date, autour du 20 juin, je crois que c'est le 20 juin, un samedi 20 juin, et qui ont organisé ce qu'on appelle une vélorution ensemble, c'est-à-dire un collectif qui s'appelle Sauvons la Roya, qui travaille sur le thème de le non au doublement du tunnel routier et le oui au train, bien sûr. Hein, voilà, les deux en parallèle. Et par ailleurs, le mouvement No Border, qui ont donc organisé une vélorution depuis Breil, une manifestation à vélo, Breil, Ventimiglia, en fait, sur le thème non à la circulation le trafic international de marchandises, et oui, à la libre circulation des personnes. Par ailleurs, le comitato local et du Cuneo ferroviaire hein, pour la défense des trains, associé au comité de défense de la ligne, avait organisé le même jour, ce que les Italiens appellent une staffetta, en fait, c'est une course relais pédestre, depuis Cuneo jusqu'à Ventimiglia, le même jour. Donc, au départ, ça a été une coïncidence, et puis en fait, bien évidemment, a fonctionné main dans la main. Enfin, les différentes manifestations ont été annoncées ensemble et les comités de défense du train ont repris les mêmes thèmes, c'est-à-dire ont annoncé que cette course relais se faisait en défense de la ligne de train, bien évidemment, et aussi de la libre circulation des personnes. Donc, il s'est passé que, tout simplement, la police italienne a fermé la frontière arbitrairement en dessous de Breil-sur-Roya, la frontière italo-française, pour empêcher cette manifestation, tout à fait pacifique, hein, qui effectivement n'avait pas été déclarée en préfecture. La préfecture avait annoncé qu'elle l'interdisait. Bon, il y avait une soixantaine de vélos. Et par ailleurs, une dizaine de coureurs qui arrivaient de Cuneo, hein, au nord, donc, en Italie. La police italienne a donc, le gouvernement italien, a bloqué la frontière pendant une demi-journée environ, c'est-à-dire de 13h de l'après-midi jusque vers 18h, 18h30. Extrêmement menaçant, situation très, très tendue. On peut dire que la situation dans ces cas-là, c'est fini avec 4 personnes en centre de rétention à Nice. On peut le dire, ça a été, c'est un peu un raccourci de le dire comme ça, si je puis me permettre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à cette manifestation, un groupe de personnes a décidé d'occuper l'ancien poste de douane, d'accord, pour en faire un lieu autogéré. Et dans ce lieu, ils sont restés environ 4-5 jours. Ils ont été effectivement délogés avec de très nombreuses forces de l'ordre. Et les Italiens et les Français ont été emmenés donc au CRA, hein, au centre de rétention à Nice, dont ils ont été... Ils ont pu sortir suite à un procès devant le juge des libertés et le tribunal administratif qui ont été complètement dans leur sens, heureusement. Voilà. Bon, ça c'est un peu raccourci, mais c'est vrai que la situation est tellement complexe qu'on pourrait en parler des heures. Il y a quand même quelque chose qu'on pourrait parler là qui est particulièrement intéressant, un fait nouveau, très récent. Un camarade de la vallée qui aide de manière très concrète et très active et qui a décidé de faire passer les personnes les plus faibles, c'est-à-dire femmes, enfants, personnes malades, handicapées, d'accord, sur l'argument que ce que nous voyons arriver dans la Roya, qui marche sur les routes, sur les sentiers, sur les voies ferrées, donc pendant un jour, deux jours, hein, comme je vous le disais, ils arrivent affamés, épuisés, etc. C'est vrai que ce sont des hommes. On ne voit arriver que des hommes. De toute façon, les migrants, nous avons une majorité d'hommes. Hein, bon. Et c'est vrai que les personnes faibles n'arrivent plus faibles, n'arrivent pas à avoir cette démarche qui requiert encore plus d'énergie, de force. Voilà. Donc il a décidé d'aider en priorité ces personnes plus faibles et de les passer. Depuis Vintimille. Bon, il s'est fait arrêter la semaine dernière. Il a été suivi depuis Vintimille par les policiers italiens et français. Et il a été arrêté juste avant son domicile, en fait, par la PAF, par la police aux frontières. Une arrestation très dure. Il avait avec lui 8 migrants érythréens, 2 femmes, des enfants, des personnes malades. Voilà. Qu'il avait tout simplement vu, hein, ils l'ont suivi, voilà. Il a fait 2 jours et demi de garde à vue, très, très dur, très difficile. Bon, réveillé toutes les heures et demie pour signer des papiers, etc. Lumière allumée tout le temps, en fait, etc., etc. La police lui disait qu'il risquait jusqu'à 3 ans de prison. Bon. Audience devant le procureur avec son avocate. Le procureur l'a relâché immédiatement, classé dossier sans suite. En arguant de l'immunité humanitaire. Voilà, c'est un concept nouveau, très intéressant. C'est totalement nouveau. Hein. Alors, c'est intéressant d'avoir ces informations. Oui, je pense. Oui, c'est pour ça que je tenais vraiment à en parler. Alors, malheureusement, si on peut dire, ça ne pourra pas faire jurisprudence, puisque ce n'était pas allé jusqu'à un procès, du coup, hein, de fait. Voilà. Cela dit, les médias l'ont déjà largement relayé et déformé d'ailleurs, hein, puisqu'il y a un grand article dans Nice Matin d'une page, et il fait la une de Nice Matin bien sûr, et ça a été repris par Le Parisien. Voilà, je peux vous donner, pour ceux que ça intéresse, la date, et on le trouve sur le site du Parisien, leparisien.fr. Je l'ai noté, c'est le 21 août. Voilà. Okay. Alors, évidemment, déformé, hein, il est dit que c'est un militant no border, c'est faux. Évidemment. Voilà, bah, c'est tellement facile. Ça peut rien dire, je veux dire, ça veut dire no border. Oui. Bon. Dans une situation totalement inique, indigne, bon, puis c'est tout. Ce que j'avais envie de te demander quand même comme dernière question, c'est un peu, qu'est-ce que ça transforme toutes ces résistances, toute cette organisation ? Ça fait beaucoup bouger les lignes, c'est certain. C'est ce que j'avais commencé à dire au début. Ça fait se rencontrer des gens qui ne se seraient pas rencontrés autrement. Ça leur fait faire des choses ensemble, des choses assez inimaginables en fait. Et ça c'est très différent. L'an dernier, l'été dernier, ce n'était pas comme ça. D'accord, c'est vraiment très important. Et en même temps, il y a aussi ce phénomène que nous n'avions pas l'été dernier, c'est ce début de clivage dans la population. On sait qu'il y a des dénonciations, que la gendarmerie reçoit des dizaines de coups de téléphone par jour de dénonciations, d'accord, puis depuis le début de l'été. Donc des gens qui dénoncent, il y en a dans tous les villages. Et la solidarité, il y en a dans tous les villages. Voilà, je crois que c'est ce qu'il faut se dire. Donc ce qui se passe, c'est à la fois très intéressant, très inquiétant, et porteur d'espoir. C'est très contrasté, Une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que nous espérons, enfin les associations de Nice, de italiennes, nous dans la Roya, arriver à faire une action commune. Je pense, j'espère, à la rentrée, hein, il y aura des actions certainement en septembre, en octobre. Donc nous espérons pouvoir compter sur vous, hein, des radios qui sont précieuses, des médias qui sont précieux comme vous, pour retransmettre cette info, des actions que nous organiserons. C'est vraiment, vraiment très important qu'on fasse savoir le plus largement possible ce qui se passe ici à Vintimille. Je voudrais dire que Le Monde vient de faire paraître un article qui est très bien, hier, exactement hier, hein. Sur Vintimille, le, alors ils l'ont appelé le Calais de Vintimille, le Calais italien, là. Bon, avec preuve sur le renvoi des mineurs, par exemple, à Vintimille, etc. Enfin bon, beaucoup de choses très très graves qui se passent, hein. Voilà. D'accord, merci beaucoup, hein, pour toutes ces informations. Bien sûr, tenez-nous au courant sur Radio Galère de toutes les actions qui peuvent être menées, on relaiera. Merci beaucoup à vous. Merci. Avant de se quitter, ça c'est chouette de donner aussi des références aux gens qui sont à l'écoute de l'émission, parce qu'on a parlé de pas mal d'actions qui ont été menées à Vintimille. Tout le monde peut regarder déjà sur les blogs de Vintimille. Ça s'appelle noborders.vintimille.noblogs.org. Ils ont une page Facebook aussi, Presidio Permanente No Borders Vintimille. En ce moment aussi, il y a pas mal de mises à jour par rapport aux déportations des migrants et les interdictions des territoires qui ont été données aux solidaires. Et pour rappeler aussi qu'il y a des actions de solidarité qui sont menées à Marseille. Il y a des collectifs et des gens qui se mobilisent pour soutenir la libre circulation et la libre installation de tous les migrants et toutes les migrantes. Pour avoir des informations par rapport aux activités sur Marseille, il y a la page Facebook du collectif Soutien Migrant 13 El Mamba. Du coup, la page Facebook, ça s'appelle Collectif Soutien Migrant 13 El Mamba. Et les blogs elmamba.noblogs.org. Parce que, voilà, ils pourront arrêter tous les solidaires et toutes les solidaires. Ils pourront jamais arrêter l'envie de liberté, non? Malheureusement, le lendemain de cette émission, donc le mercredi 24 août, on a appris qu'il y avait une quarantaine de Soudanais raflés deux jours avant devant le centre de la Croix-Rouge à Vintimille, qui ont été expulsés en direction du Soudan, Khartoum, via l'aéroport de Turin et la compagnie Égyptair. Ces personnes ont été reçues devant un juge et leur déportation a été validée en moins de 24 heures. Ces personnes n'ont pas eu la possibilité de demander l'asile dans ce court délai. Et des infos qu'on a pour l'instant, elles auraient été choisies dans un lot de personnes refusant de déposer leurs empreintes en Italie au centre de la Croix-Rouge. Ça ne serait pas la première déportation du genre, selon des amis soudanais. Un autre vol depuis Rome en direction de Khartoum a eu lieu la semaine d'avant. Donc on savait que ces pratiques étaient possibles via les accords entre l'Union européenne et la Turquie, mais il apparaît aujourd'hui que l'Europe s'est dotée de nouveaux moyens légaux pour pouvoir organiser ces déportations directement du sol européen. La forme ne change rien au fond. Formuler légalement, entre guillemets, une déportation de masse vers un pays où sévissent la dictature, la guerre et les persécutions, est illégal et assassin. On va finir avec une chanson d'Alpha Blondie qui s'appelle Les Salauds. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Journaliste pyromane, politicien mythomane, avec les prêtres corrompus et les imams vendus, ils sont bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang, bêtes et méchants. Ils sont bêtes